maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Big Flo et Oli. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Big Flo et Oli, c'est maintenant sur Skyrock. Big Flo et Oli, toute la semaine, comment ça va, messieurs? Yo, on a ramené le soleil en plus, on a ramené le soleil sur Paris. Ouais, là on est bien en plus, comme vous vous sentiez un petit peu tristouné ici, vous avez invité plein d'amis. On a invité tout le sud, une encore plus grosse calèche que hier. Ils sont tous venus en calèche. Ouais, on est tous là, On va les présenter dans un instant, sinon ça va la vie parisienne, tout se passe bien, vous avez découvert un peu le quartier. On a visité un peu les Champs. Vous avez fait le tour du quartier, non? Non, pas ce quartier là, il est interdit ce quartier. On a fait les Champs-Élysées aujourd'hui. On a fait les touristes un peu. Eh bah très bien, c'est votre Planet Rap toute la semaine. On découvre en plus un mois et demi avant la sortie du projet, le 1er juin. Exact, le 1er juin, dans la cour des grands. Exact. La cour des grands d'ailleurs. Oui, voilà. Et juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir. C'est une belle soirée. Hein. Ça a bien commencé haut, très haut. Merci beaucoup. C'était un bon moment. On a eu beaucoup de retours. Le hashtag Big Flo Oli sur Skyrock, il a été numéro 1 top tweet France. Et bon, on peut faire mieux encore ce soir. Allez, on est parti. Allez-y. Envoyez avec le hashtag Big Flo et Oli. On va se rappeler ce qui s'est passé hier soir avec Big Flo et Oli dans Planet Rap. Écoute, c'était hier soir. Planet Rap. En direct sur Skyrock. Big Flo et Oli sur Skyrock. Alors, les petits. Yeah. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Vous vous sentez prêts, c'est ça? Planet Rap, Big Flo et Oli. C'est l'histoire de deux frères qui écrivent dans leur chambre, qui sont tombés dans le rap par hasard et qui tentent leur chance, qui sentent les rouages qui s'enclenchent, les anciens rois qui flanchent. Il est grand temps que les temps changent, c'est le moment. Sèche tes larmes et prépare ta lame. Viens avec nous, mets-toi dans le cou, viens rallumer la flamme. Pour nous, c'est plus que du rap, c'est toute notre vie. C'est plus que des fans, c'est toute notre ville. C'est... On a besoin de vous, c'est le départ d'une nouvelle ère. La plupart de nos parents, les francs, entre frères, on peut pas se planter. Il n'y aura jamais de plan B. Faut monter de pote, mais sinon on va se planter. Depuis tout petit, la musique que nous suit, on a faim, tais-toi bien. On va changer les règles, mais de son dans ton casque. Ils entendent comme on rappe, on notre rêve sur le bord de tes lèvres. À deux, on est plus fort, et avec vous, plus encore, on est paré. On va jeter un pavé dans l'eau qui dort depuis longtemps. On attend, chaque jour, on apprend. On va rentrer dans la cour des grands. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. Wawaz. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Rappelons-nous les 10 mots qui étaient proposés. Il y a hippopotame, ensuite il y a baston, pique assiette, Toulouse, xylophone, poney, dollar, péripatéticienne, YouTube, Delta Plan. Et Delta Plan. Planet Rap, Big Flo et Oli. Tu l'ouvres, tu me saoules, moi je me bouge. Toi tu loses, tu vois rouge avec les deux boucles de Toulouse. Je suis pas un canon de beauté, donc j'intéresse personne. Je suis tellement maigre, mes côtes c'est un xylophone. Au conservatoire, je kickais mes pecs sur du xylophone. Petit, j'étais fan de rap, un soir j'ai cramé 10 cassettes. Mets les pieds dans le plat, je te coupe au couteau. Toi t'es qu'un pic assiette, ils ont des trous noirs au micro. Y'a que des rimes ratées qui viennent. J'ai commencé sur le trottoir, comme une péripatéticienne. Classique, je veux les dollars au Rolling Stone, au YouTube. Fredo, t'as trouvé des gros dossiers très drôles sur YouTube. Planet Rap. Parlez-nous un peu d'amour, vous nous parlez que de chat et de teub. Ma sœur, sache que les filles les plus classes ne sortent pas dans leur club. Pinocchio a encore menti, il a signé des chèques en bois. Ceux qui sont au VIP sont souvent au Pôle emploi. Mais pourquoi tu rappes comme ça? On dirait que t'as des problèmes de respiration. Moi je me balade sur le beat, je n'ai pas de limite pour la parole, deux pour l'action. C'est vrai, j'ai un peu peur d'eux, moi je suis pas taillé pour le combat. Un esprit de sage dans un corps de lâche, au pire je les plante avec mon bras. 20h-21h, en direct avec Big Flo et Oli sur Skyrock. Et encore, on n'a pas tout mis, hein, sinon on était reparti pour une heure entière. Hein. Ah ouais, c'était vraiment cool. On Big a pas Flo fait un moment, et Oli avec nous, l'album sort le 1er juin, on découvre, il y a un gros live de prévu ce soir, messieurs. Gros live, gros freestyle avec plein de gens. On commence à présenter un peu tout le monde. Allez, on est parti. Il y a déjà Dadou qui est à la table. Ah, quel plaisir de retrouver monsieur Dadou. Comment on va? Ça va? La forme? Ça me replonge quelques années en arrière. Ou quelques mois, en arrière. Avec toi, Dadou. Bah ouais. Je me suis dit, il y a un air de déjà vu. Je me suis dit, alors c'est qui est à l'ancienne? C'est ça en fait. Dadou, c'est ça, hein. Vous souvenez tous de Dadou. C'est mort, sans flash, ni flash corps. Yeah. Sans bougie dans le vent, sans rose devant sa porte. Princesse et mort, femme de cœur, une femme forte. Mort, sans flash, ni escort. Princesse et mort, sans flash, ni escort. Vous vous souvenez de ce morceau, Big Flo Oli? Ouais, nous on l'a connu un peu plus tard, bien sûr, mais moi je me souviens d'avoir vu. Classique. Nous on l'a connu vraiment d'ado avec le son Les Sales Gosses, quoi. Ouais, oui. C'était un son qu'on écoutait à fond, et puis l'album aussi qui était sorti, qu'on a écouté en boucle. En tout cas, c'est un tonton qui nous a beaucoup conseillé, beaucoup aidé, que ça soit en studio, sur la scène ou ailleurs. Gros big up, ça fait super plaisir, Dad. Je te check. Yes. Ça se voit pas, mais il vient de le checker. Voilà. On a entendu. Petit check. Bon, ils te font penser à quelqu'un en particulier, Big Flo Oli? Évidemment, ils font penser à beaucoup de choses, et il y a pas mal d'émotions quand je les vois évoluer avec leur franchise, leur franc-parler, leur flow, leur qualité, etc. Ah, merci. Et une très très grande fierté, bien sûr. Ah, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Là, venant de la part d'Ado alors là, évidemment, on est plongé très loin avec KDD, Une Princesse est morte, mais pour toi, la musique s'est jamais arrêtée aussi, d'Ado, hein. Toujours sur scène, évidemment. Toujours en studio. Oui, alors j'ai quitté le bac à sable, mais du coup. Punchline, la première. Je vogue. Je suis un peu, si tu veux, un espèce d'astronaute et un nomade. Donc je me balade de scène en scène avec des amis, des frères, etc. Bon, et ben, on pourra en reparler aussi ce soir entre 20 et 21. Et surtout The Classics, mon band. C'est le band qu'on retrouve un peu partout aussi. Exactement. Vous êtes en studio sinon? On est en studio, on finit un EP qui s'appelle Kilogramme. Et moi, je les ai vus en live, ça envoie du lourd, hein. Piano, batterie, ça reprend aussi quelques classiques, ça fait plaisir. Donc, je suis arrivé de toute façon avec une guitare d'Ado. Elle ne me quitte plus. Elle te quitte plus. Bon, bah, peut-être tout à l'heure aussi dans le freestyle avec d'Ado. On continue le tour de table. Ouais, on a aussi les poteaux de MTP, les poteaux de 7 et match. Didier, 7 et match. Cozy. Bang, bang, ma man. Il connaît. Il est chaud. Et aussi, vous avez dû vous croiser beaucoup sur scène parce qu'il tourne beaucoup, 7 et match. On se connaît bien, Ils sont de Toulouse, on va souvent à Toulouse. Nous, on est de Montpellier, c'est le sud, on se soutient, on est là, on est ensemble. Toulouse-Montpellier, il y a une connexion. Exactement. Ouais, on s'est croisés plusieurs fois, on est devenus potes et voilà. Ah ouais, talk. On a freestylé, il y a des moments un peu mythiques. Maintes fois, on va en parler de ça. Mais... On se force à être potes. Moi, j'aime pas trop JD par exemple, mais j'aime les autres membres du groupe, je les aime bien. Quoi. Voilà. C'est réciproque, on fait semblant. C'est bien, t'as choisi le moins costaud en plus. On va parler après. Ton gabarit, t'as raison. Hein. Merde, putain, je suis dans la merde. Il va falloir qu'on te file 2-3 conseils, Dadou. Il va falloir filer 2-3 conseils. Écoute, moi, je suis là, je les vois, ils sont tout mignons, tout pleins, dans la mesure où, en fait, on a affaire à des gens qui ont vraiment hérité de la culture. Tel que beaucoup l'ont rêvé et qui sont en train de la sublimer. Donc le Sud le fait mieux. Ça, c'est ça. Exactement. Le Sud le fait mieux. Et bien, bienvenue donc à 7 et match qui sont là aussi avec nous. Il y a aussi Billy Bass. Le frangin de Dadou, on peut dire. Oui. Avant tout. Et je rappelais hier d'ailleurs que tu avais gagné un freestyle par téléphone ici même dans ce studio. C'était en 2003. Ah, c'était 2003 déjà? Ouais. Comme le temps passe vite. J'étais jeune, je passais mon bac et tout. Bon, voilà, un peu comme. Placement de flambeau. Bon, ça va bien pour Billy Bats? Ça va, impeccable. Impeccable? Ouais, très des bien. Des projets, des choses qui des sortent, des scènes. Des projets qui arrivent. Un projet qui s'appelle Billy Bats. Voilà. Bah, tout simplement. Bien c'est raison. Simple. Qui arrive très bientôt. C'est simple, c'est carré, c'est facile à trouver. Voilà. Yes. Billy Bats avec nous. On continue le tour des sudistes. On a aussi Demi-Portion qui est là. Demi-Portion de 7, évidemment. De 7, ça fait plaisir, Rachid. Merci d'être là. Merci à toi, Oli. Merci à toi, Oli. Ça va bien. C'est aussi quelqu'un qu'on écoute beaucoup. Moi, je suis vraiment fan de l'album Dragon Rage, c'est de la tuerie. On se croise aussi pas mal en concert. Ouais, il y a beaucoup aussi, je suppose, de tournées où vous devez vous croiser. Ouais, on vient souvent le voir en concert et il est passé souvent à Toulouse, dans notre ville. Donc ça fait super plaisir. Tonton Rachid est là dans les studios. Voilà, on est là pour supporter. Un petit mot pour les deux petits gars, Demi-Portion? Ben, ça me rappelle mon époque, comme on dit. Ouais, on en parlait, on se rappelait, on s'est lâché des dossiers. Le dossier que t'as passé hier où j'avais 8 ans, on s'est rappelé que Demi aussi a commencé jeune. On a parlé de ça la dernière fois, ça fait super plaisir. Très bien, bienvenue à Demi-Portion aussi avec nous. Vos messages, c'est hashtag BigFlo et Oli sur Skyrock. Exactement, sinon on voit pas vos messages, en fait on a un écran, si vous utilisez pas le hashtag on voit pas. Il y a aussi Doncho qui est là dans le studio. Il n'a pas changé, Doncho. Hein. Je vois toujours, il se met toujours dans un coin du studio. Doncho est là. La ça fait super plaisir. La discrétion. Ça va? Écoute-moi bien, Fred. Laisse-moi faire ma vie tranquille. Je sais. Bon, tout va bien? Très bien, très bien. En pleine forme, Toulouse aussi. Hein, très évidemment. Bien. Marseille aussi. Et Marseille, Toulouse, la connexion Toulouse-Marseille. Ben Et on n'oublie pas des morceaux comme cela aussi avec Doncho. Je touche en SACEM quand ça passe là. J'espère, tu nous diras, Je sais pas si ambiance scandale. Ça oui je pense. Sans d'où vient la chaleur. Voilà de Doncho, c'est évidemment la FF pour vous, mais aussi en solo. Solo aussi. Ouais, en solo, moi j'ai beaucoup écouté en solo ce que tu faisais. Ouais, on a autant écouté la FF que Doncho en solo. Moi, c'est un de mes rappeurs préférés, donc ça fait super plaisir que tu sois là, Don. Et on s'est croisés un peu par hasard dans la rue. C'est vrai. On a pris une photo avec lui et lui nous a dit qu'il nous connaissait aussi. Et de là, on est devenus potes, quoi. On allait boire un verre et c'était parti. C'est vrai. T'as écouté un peu ce qu'ils font, évidemment. Bien sûr. Depuis un moment, je les ai vus en live aussi, en concert aussi. Ils sont très forts. Je conseille à tout le monde d'aller le voir en concert. Tu passes un très bon moment. Ah, merci. D'ailleurs, on a deux dates. Je crois qu'on va mettre des places à filer aussi. Je me plante pas. Alors ce soir, on fait gagner des places de concert pour la maroquinerie. Ça se passe le 1er octobre à Paris. Et aussi pour le bikini à Toulouse qui se passe le 8 octobre. On est généreux, donc tweetez avec le hashtag BigFloyOli sur Skyrock. Vous tweetez avec le hashtag BigFloyOli. Vous nous dites pour quel concert vous voulez gagner la place et on choisira au hasard à la fin de l'émission. On vous enverra un petit tirage au sort. Voilà, c'est cadeau. On vous tweetera un petit truc. Voilà. Bon, et Don't Show, ça dit quoi? Un peu de taf, un peu de repos, un peu de vie? Ouais, mais si je te raconte tout, Fred, de une, tu vas pas pouvoir rendre l'antenne à l'heure, et de deux, le CSA va t'envoyer le GIPN ou quelque chose. Okay, mais sinon, j'ai un Twitter maintenant. Ah oui, j'ai vu. Je sais pas encore bien comment je vais le faire marcher. C'est mon pote Karim Tiama qui je passe une grosse dédicace. Donc c'est. Il m'a ouvert ça, mais je vais commencer à me familiariser avec ça. Je crois que c'est Don Shoah. Non, c'est Don le tiré du bas Shoah. Moi, je sais exactement. C'est Shoah tiré du bas Don. Shoah. Allez voir. On a déjà RT. De toute façon, on l'a mis sur les notes, donc. Allez sur celui de Big Flo et Oli. On les a retrouvés. Ma trace. Et vous allez retrouver. Toi, Dadou, non pas toi. Si, Facebook, évidemment. Vous allez sur la page Dadou and the Classics. Et Dadou and the Classics aussi sur Instagram. Sur Twitter, vous me trouvez à Dadou Daniel. Voilà. Et bah très bien. Voilà. Donc c'est une grosse équipe qui est là. Je vous invite à venir vraiment sur la page. Avant peut-être de finir les présentations aussi, on va mettre quand même un morceau parce que je vois qu'il est 20h06 déjà. Et qu'il y a un gros live qui se prépare. On met le comme d'hab. Comme d'hab. Plaisir. D'ailleurs, il y a une nouvelle. J'allais annoncer la nouvelle. Ah pardon. Un morceau que vous allez pouvoir entendre tout au long de la journée puisqu'il vient de rentrer en effet en playlist depuis aujourd'hui. Voilà. Flo et Oli. C'est plaisir. Super heureux. On parlait de sa scène, Don Show. Tu pourras leur expliquer comment ça se passe. C'est Sylvain Gazen qui doit être content, non? Ben nous on est super heureux. C'était un rêve depuis tout petit de passer à la radio, etc. Que de faire écouter nos sons au maximum de gens. Donc voilà, on est très fiers d'être rentrés sur Sky. On vous écoute maintenant, comme d'hab, Big Flo et Oli sur Skyrock. Comme d'hab, je sais pas vous, mais moi, comme d'hab. Encore sous les draps. La cour des grands, ça sort le 1er juin. Disponible en précommande déjà. Faudrait que je me bouge, mais de toute manière y'a plus d'heure. J'avais rien de prévu, autant rien faire à plusieurs. Y'a le pote condamné qui sortira en douce. Le pote amoureux qu'on voit plus depuis qu'il est en couple. Je les appelle tous, comme d'hab on sort en ville. Besoin d'air libre, notre soirée repose sur les épaules du pote qui a le permis. À 5 dans une voiture pourrie, on s'imagine en Ferrari. On claque sans des touristes, me demande où passer la nuit. Comme d'hab on veut aller au ciné, car l'heure défile. Mais on a raté la séance, le temps de se mettre d'accord sur le film. On est bien sur notre banc, rien faire c'est épuisant. Comme d'hab ça part en débat, je te jure Michael Jackson est vivant. Après 2-3 verres, mon pote m'écrit chaud, on veut se taper. Il se pense musclé comme d'hab, on va devoir le rattraper. Entrer en boîte, jamais. Pourtant j'ai mis mes beaux vêtements, au moins les morts de rire. Tire des gueules d'enterrement, on kiffe notre vie. Comme ça, promis on fera notre combat. Pour l'instant on profite d'arambile entre amis. Attends, comme d'hab, merde, nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères. Nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. Comme d'hab, comme d'hab. Nos soirées de merde, nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères, nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. On ferait la merde, c'est sûr. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab, j'ai pas vous mais moi. Comme d'hab, encore sous les draps. Comme d'hab, on s'en souviendra. Et c'était comme moi, à chaque fois c'est comme ça. C'est une photo, un polo, je pars en mission. Après un texto, un poteau, une proposition. Y'a une soirée chez lui, est-ce que tu viens avec moi? Rendez-vous à 20h, arrivé à 23. Comme d'hab, je veux me caler, j'arrive emballé. Mais je fais la bise pendant une heure avant de m'installer. Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? On exagère sa vie, on ment, le temps passe vite, c'est affolant. T'as pas changé, t'es comme avant. On réserve les chambres comme dans un hôtel. La course du fond de la classe est devenue top modèle. Personne se lance, plus d'alcool que d'ambiance. Comme d'hab, aucun mec sur la piste de danse. Comme d'hab, les filles vont aux toilettes par paquet de 12. Comme d'hab, les plus bonnes sont déjà en couple. Y'a plus de bus, le métro est fermé. Toutes les voitures sont déjà au complet. Putain, le taxi c'est vraiment pas donné. T'as pas une trottinette? En partant, je croise un type qui vomit et allé par terre. Il me dit: vas-y Big Flo, fais-moi un petit rap frère. À toutes nos soirées de merde. À toutes nos soirées de merde. L'album arrive mon pote. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. On ferait la merde, c'est sûr. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. À toutes nos soirées de merde. Toutes nos soirées de merde. Hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. On ferait la merde, c'est sûr. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab, je sais pas vous mais moi. Comme d'hab, encore sous les draps. Comme d'hab, on s'en souviendra. Et si t'es comme moi, à chaque fois c'est tu comme ça. Tu m'avais dit 100, on est 5. Personne n'a pris les enceintes. On se fait des pâtes, franchement j'ai faim. Y a un moment qui se sent pas bien. Pour ton mat, la paire de seins. Kanda. En fait t'es naze, mais elle lui dit rien. Kanda. Viens, on va fumer le chien. Kanda. Et les gars, on fait un Scrabble. À toutes nos soirées de merde. Y'aura du funny pas de meuf. Nos embrouilles, nos galères. Que des funny pas de meuf. Si on fait tout refaire, on ferait la même. On ferait la même, c'est sûr. Kanda. Kanda. Kanda. À toutes nos soirées de merde. Ça se passe pas comme dans les films. Nos embrouilles, nos galères. Finis dans la piscine. Si on fait tout refaire, on ferait la même. On ferait la même, c'est sûr. Kanda. Kanda. Kanda. Kanda. Kanda. Comme d'hab, à l'instant, Big Flo et Oli avec yeah. nous entre 20h et 21h. Le hashtag aussi Big Flo et Oli sur Skyrock pour repartir avec des places. Donc soit la maroquinerie 1er octobre, ouais, soit le bikini soit la maison. Le 8, voilà. À Toulouse. À Toulouse, ouais. Vous tweetez avec le hashtag Big Flo et Oli, on choisira les gagnants. Voilà. Un gros freestyle qui se prépare dans quelques minutes, mais je crois que vous avez aussi un morceau live. Ouais, c'est un titre inédit que vous nous faites ou Non, c'est un titre qui est déjà sorti, mais c'est la première fois qu'on le fait en live, je crois. Ouais, grave. Et c'est nous aussi, il est sorti, il est bientôt à 2 millions de vues en un mois, c'est assez ouf. Et donc voilà, on va vous le faire en live. Et ben est-ce attaque, que les gens sont chauds dans les studios, s'il vous plaît. J'ai l'impression, de toute façon, le Sud le fait mieux à chaque fois. Donc, ok, ça fait plaisir. Pas de problème. Ok. Allez, on y va. Est-ce que DJ, t'es prêt? C'est un morceau qu'on trouvera sur l'album aussi. C'est parti. Grave, il est sur l'album, il s'appelle Nous aussi. L'album La Cour des Grands, le 1er juin. Précommandez-le, les amis. Big Flo et Oli. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Le rap est dans un sale état, nous tester, fallait pas. C'était pas calme, mais gars, je vais te cramer, t'écraser grave. 18 balles et vers les carreaux départ. Sur mon âge, tu rages, mais c'est bizarre. Dès que je rappe la plupart, ferme le clap et cache. J'ai les mille et un flow dans ma caverne, choli, baba gros, chromis, back, papa pour les bâtards qui veulent les apartés. Dans la rue, on t'aborde, toutes les filles t'adorent, c'est fort, tes disques d'or, mais tu sais pas rapper. Rajoute Wood à Oli, tu te retrouves au cinéma. Big Flo me dit calme-toi, frappe à les faibles. M6 son as où les combats est inégal. Donc si on kick ça, chaque fois y'aura des fêtes. On me raconte qu'en ville, il ne parle que de sa voix, sa fume, sa lie. Les gens réclament nos plumes car il n'y a aucune valable depuis l'époque d'Ayam ou de Michael. Oui maman, mais gueule pas trop fort, on va t'entendre sur le disque. Merde, ça enregistre, ouais. Tant pis, j'assume ma vie, un fait pourri de pauvre type gentil. On verra dans 10 ans si c'est pour bandir. On grandit quand la vie est le temps. Tire sur les rites, c'est flippant. Finis le shit, le frigo vide et le caddie pour remplir le vent des petits. Oli, calme-toi là. Trop tard, j'suis déjà reparti. J'te jure, la vie va trop vite, alors on s'enfuit de tes clips et de tes bitches qui dansent près de ta Ferrari. Pourquoi tu mens, Oli? T'es comme tous les ados, tu rêves de vivre et même d'avoir de beaux abdos. J'suis un peu fou, personne n'a idée. Le matin, j'dois réveiller toutes mes personnalités entre les intellos et les profs, les parisiens bobos et les bofs. J'sais plus trop quoi faire, une planète originaire, je vis à des années-lumière. Désolé, c'est le décalage horaire. Ma bouche est un flingue, j'appuie sur la détente. T'avais des mondes d'un cran, t'avais des top 50. Et tous mes potes d'enfants qui font les pop d'antan. Mais dans leur pavie, pas j'entends que de la pop dans. Ça bruit de leur rap dans le sang. Mais ils sont tous, c'est marrant, ils vont vite, mais on comprend tout. Merci madame, faudra s'y habituer, même si en France les rappeurs ne savent pas articuler. Putain, mais dis quelque chose, trouve-toi un orthophoniste, un vrai travail ou une cause. Oli, pourquoi tu parles mal des autres, toi aussi tu fais des fautes. Oui, j'ai peur du noir, et quand je suis seul des fois, je chante des chansons pourries en faisant la vaisselle. Par contre, derrière le mic, qui peut me tester, dis-moi, car depuis des mois j'attends toujours qu'un artiste essaie. Et à propos de la maille, moi je préfère la foutre, le type devenu faux, au départ était millionnaire. Et à propos de tes fans, on vient du futur, donc Skyrock est visionnaire. Notre plan est qu'on arrive, mais le public n'est pas prêt. Tu chantes depuis l'an 2000, les types ne savent plus rapper. Oli. Les fans nous réclament, guette le moindre signe de vie. C'est Big Flo et Oli. Tout le monde. On vient combler le vide. Parlez d'eux, pas d'eux. Nous aussi on peut le faire. Montrez-les. Nous aussi on peut le faire. Parlez d'eux. Nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Viens avec nous. Trappe, il reste de la planche. Je suis venu pour t'humilier, t'es rude, que les êtres mutilés, t'es pas immunisé, petit illuminé, je vais t'éliminer, des rimes illimitées, t'es pas habilité, vu ta débilité de gros naze. Tu vois, comme c'est facile de rapper vite, donc tu peux supprimer quelques MC de ta playlist. Écoutez ces merdes toute la journée, c'est pénible, dès que pour la plupart ils font la tournée des élites. Flo, t'as acheté une place, je sais. Faut que t'arrêtes, tu parles mal, j'essaie, mais je clash donc je suis fan, c'est comme ça, comme d'hab, dans ma vie, dans ma peau, je suis mal, car être humain c'est humiliant. Sur la planète j'avais déjà mille ans, donc comprends que je vous trouve tous silence. Quoi, Flo, ferme ta gueule, frère. Non, sérieux, tu rappes seul. Merde, normal qu'on me trouvait bizarre dans la cour de Rick et personne ne rappelle vite que le beau d'audit, qu'on en mettrait, ils veulent des gros seins, des beaux seins, des gros poings. Des copains, des potins, des potes fins. Mais j'en ai pas, J'te le dis franchement, pour tout, tout ça me dépasse. Et les filles veulent des. T'es la femme de ma life, t'es la flamme de ma vie. Désolé de voir des connes quittent l'école pour faire folle, rendre leur vie molle. Ce pic s'envole, la fuite, la drogue, les flics, la coque, écoute la dope, échange de potes, échange de clubs. Tout ça pour finir en scène sur un parking. Biggie, attendant, tu chopes pas. Ouais, je sais. Faut t'arrêter d'être comme ça. Hein, on verra bien demain. Chez Universal, ça se frotte les mains. Allez hop, j'ai des tas de carcasses de rats dans mon 4x4 et 4 dégâts. Toi, tu finis à 4 pattes. Fais gaffe, man, car je te découpe en 4x4. Attaque pas ou la balle part et te fracasse. Ouais, le mec il grave. Le meilleur dans ce rap de nage. Moi j'en ai encore dans sa voix, j'ai des tas de phares. Des comme Oli et Biggie, j'en vois pas des masses. J'suis précoce dans le rap, c'est la même Oli. Elle est vierge extra comme l'huile d'olive. Non, Flo. Désolé, Oli, mais pas faire de rime pas sinon c'était promis. Mais sur ça fout les boules, ça dégoûte, ça les saoule. Mais c'est cool, on déboule de Toulouse, ils sont pas prêts. T'es un mouton, pas un loup, pourquoi tu l'ouvres? C'est douloureux, c'est du lourd, c'est la fin du couplet. J'arrive ton arrive, mais le public n'est pas prêt. Flo, tu chantes? Depuis l'an 2000, les types ne savent plus rapper. Pas de vocodeur. Les fans nous réclament, guette le moindre signe de vie. Okay, c'est okay, Big Flo okay, et Oli, okay. On vient combler le vide. Parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Et à Skyrock qui reste de la place. Parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Parlez d'eux, nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Bien Skyrock qui reste de la place. Les frangins, Big Flo et Oli Ford à Dohan. Très très très très gros classique. Ah, ils sont chauds et le freestyle n'a pas commencé. Juste si on pouvait arrêter ce chant là, vous allez nous porter la poisse parce que je rappelle que nous jouons en Champions League. Donc... Ah, je tiens à dire vive le TFC. Tout à fait, c'est pas facile à dire. C'est pas facile le quoi, à dire. Le c'est un petit club c'est qui débute, je sais pas si vous voulez. C'est un très grand club de foot. Ah. Mais nous, on a gagné la Champions League. Ah, pardon, j'avais oublié Don Show qui était derrière. Don Show, le Marseillais. Prêt à bondir sur... J'ai rien dit. Okay. Le foot, toujours, ça crée des débats. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, on va rester dans le rap avec Big Flo, Oli, avec tous leurs invités. Ce soir, je rappelle, donc, il y a 7 et match, il y a demi-portion, il y a Dadou, Don Show aussi qui est là avec nous. Il y a Billy Bats aussi. Billy Bats qui est là. Kim Fu. Le poteau Wawad, big up à Kim Fu aussi. Qui est dans le coin. Don Show, platine. Et donc gros live qui se prépare. On fait ça après la pub, ça vous va? Ah grave, ouais, on est grave chaud. Bon, vas-y. Donc ne bougez pas, dans un instant Big Flo et Oli, nos invités de retour, avec eux-mêmes leurs invités. C'est juste après ça. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Big Flo et Oli pendant une heure complète ce soir. Planète Rap, Big Flo et Oli. C'est un gros Planète Rap cette semaine entre 20h et 21h. Ils viennent de Toulouse, ils sont pas venus seuls du sud ce soir. La température monte, Fred. Et la température monte avec Big Flo et Oli entre 20h et 21h. Je crois que le hashtag Big Flo Oli sur Skyrock est rentré en TT. Bien sûr, tout va bien. Un peu de bruit pour ça, s'il vous plaît. Oui. Il est en mode sud là, il est en mode sud, Flo. Il reprend son accent et tout. Vous vous mettez debout, ça veut dire qu'on va attaquer tout de suite. On est chaud, nous. Session freestyle, je rappelle que dans le studio, il y a CT Match, il y a Demi Portion, il y a Dadou, il y a Don Showa, Billy Bat, il y a Billy Bats, Wawad. Wawad. C'est tout. On a oublié personne? On a oublié Kim Fu. Kim Fu, bien sûr. Il y a nous aussi. Et il y a évidemment Big Flo et Oli. Cyril Pratt aussi, attention. Ah bah, c'est aussi. Qui est toulousain, qui est le plus grand éclairagiste de France. Yeah. Johnny Hallyday, Goldman. Den Chou, t'es chaud. Ça va nous servir à la radio. Toulouse le fait mieux. Le sud le fait mieux, pardon. Allez, c'est parti, freestyle maintenant. Ok. Yo, Big Flamboni. Il s'appelle la cour des grands et sur le 1er juin. Il est déjà dispo en très gros. On compte sur vous pour aller le choper. Tout le monde. Hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Ok. Comment s'appelle l'album? La cour des grands. Comment s'appelle l'album? La cour des grands. Et il sort quand l'album? Le 1er juin. Mais il sort quand l'album? Le 1er juin. Est-ce que tu vas le choper? Ouais. Est-ce que tu vas le choper? Ouais. Et si tu télécharges, t'es un bâtard. Et si tu télécharges, t'es un bâtard. Yo, voici le retour des ghosts terribles. J'ai grave taffé, ouais, le flow se mérite. Il faut se mérite. Si t'es cardiaque ou si t'es fêlé, fais pause, fais vite. Le boss de la ville rose t'envoie dans la fosse sceptique. C'est le retour du king des mecs qui défoncent des têtes de cons qui parlent mal. Biggie des bites et des rimes, ce mec est trop bon. À Paname, il se la pète, j'ai pour eux quelques balles de plomb. Ça clash grave, mais quand j'ai le mic, t'as cliqué, se jette en un pont. Pas balance une instru classique. Que je lastique, les mots je les mastique. Puis les recrache en rap flow élastique. Big flow élast, la classe, l'art, la tactique. MC fantastique comme Nas, envoie tous ces nas au casse-pif. Non mais les gars, écoutez-moi, je mène le rap dans tous ces états. Je suis Vegeta, karatéka, vous avez mal mais ne cavalez pas. Quand on débarque, on distribue des baffes verbales, on t'éclate, on se tape des barres, on épargnera pas ni les finis, les gars, fermez la bise. Ça sort les flingues, les bennes, ça joue les gangsters. Ça joue les peines, la dingue, les dingues. Mais ça le fait même pas. Moi je te fous des bennes, je te saigne, ouais je suis pas sympa. Fais pointer les seins, les dingues sont en extase. Et j'ai fait une selecta, DMC à écouter sous Smecta. Qu'est-ce que je suis pas ta besta, moi je suis une guesta. Je suis extra, t'es le retour de la Gestapo. Pour de l'extra, tes meilleurs potos veulent ta peau. J'entends le démon en moi, je défie la peur. Ma tête est bouge de haut en bas, elle crie de la vapeur. Tu sais, je fais l'acteur, flou comme un tracteur. À la fin de ce couplet, amène un défibrillateur. Car mon cœur part en couille, faut le sauver. L'amour, on l'a frôlé. Oui, la foule, on l'a donné. Non, j'avoue, j'ai déconné. Et tous les MC font les hooligans. Et tout à coup, tous les boules apparaissent. Car l'ego, elle donne les fous, ils parlent. Des jolies soirs, tu voulais parler. Non, j'ai pas m'arrêter là, j'rappe encore. Tu le sais que j'prends le mic, pas ton mort. Toi, t'as qu'à lever les bras et j't'en porte. Illégal, tellement ça claque. Attends que j'pose le mic, ils font les macs. Mais j'suis le master, pire que Mike. Le mac ménage, j'pète les bacs, j'perds les bacs, j'sais que c'est dac. J'fais que j'batte à coups des pattes dans les pattes de ces battes. Trop d'amateurs, trop de grades, trop de nazes. Dadou, mon pote, ça vient du sud. Don Choa, mon pote, ça vient du sud. C'est des matchs. Mon pote ça vient du sud, demi-pied, mon pote ça vient du sud, Big Flo et Oli, mon pote ça vient du sud, I am, mon pote ça vient du sud, Keoli, mon pote ça vient du sud, yo, yo, yeah. Un flow de malade, un enfant dur à soigner. Le temps passe avec ou sans montre autour du poignet. J'trace, sans strass, geste honnête. J'écris fier mes poèmes incompris comme la pierre de Rosette. Derrière le rideau, l'artiste se prépare. On peut être partout et n'aller nulle part. J'ai rallumé la flamme, c'est le début d'un incendie. Ils ont brûlé nos livres comme à Alexandrie. Et si tout le monde m'aime, moi je déteste personne. Le rap est mort mais se vend encore Michael Jackson. Et j'enterre ces gangsters, ces connards de bandits. J'ai le regard qui tue, mais comme les yeux de Gandhi. J'ai vu des combats sur papier, échapper les bas-fonds. J'ai déterré la hache de guerre pour l'enterrer plus profond. Le génie se distille un peu et je médite, l'amour ça crève les yeux. Demande à Oedipe et dans le noir. Le soir je ravale mes doutes, le diable m'a appelé pour acheter mon âme. Je lui dis qu'elle en valait le double. Et dans cette conquête je me balade et je grave mes vers. Le rap c'est le malade imaginaire. Et il va se manger le décor, rattraper le virus. Moi je bats des records, ma plume dévore le papyrus. L'avenir se dessine, je rime dans un but précis. MC on désigne, mais si cette prophétie, le vinyle crazy. Ici j'éclaircis le récit, net et précis. L'horizon rétrécit depuis des années. Des fous prédisent tous sa mort. Mais à Planète Rap, le son tourne encore, non? Le son tourne encore. Le son tourne encore. Yo, yo, yo. Quand je dis dadou, vous dites classique. Dadou, classique. Dadou, classique. Dadou, classique. Dadou, classique. Ok. Je ne vais pas dans une berline jouer des maths, mon frère. Ni même torcher au dollar pour du crack, mon frère. Page publicitaire, ouvre ton MacBook Air. Google double O, tape MC légendaire. Ça y est, le rap change d'air. Retour à l'Elysée, punchline déguisé. Retour des dents aiguisées. J'ai plus de 30 piges, je n'ai pas de Bentley. Je suis la mort du bling bling dans le rap français. Ici c'est midi pi, pays des flambeurs à pile. Les Rolex brillent, mais elles font d'avis des piles. T'as d'amis en audi sur l'autoroute du crédit. J'ai vu l'avenir tirer les cartes et leur crédit en double fil. J'ai le sang qui met la pression comme un cours de Zumba. Tout le contraire de Booba. Mon nom c'est Douda. Je rappe dans le verre, pas de revolver. J'ai pas de Jack pervers. Balance comme Jacques Prévert. Mon rap est mort comme un vulgaire junkie. Dans un costume d'égocentrie à la couleur du mépris. Par une prise un peu consciente de vide. Les racines de sa conscience sont d'abord endormies. Le verbe fumant du feu MC brûle encore sur les platines crépitant de nostalgie. Quelques témoins n'ont pour lui que des cris noyés par les larmes sourdes que sur la analogie, alors je pousse pas. Je rappe sans force et au fond je m'en bats. Je dois élever ma fille mais le rap a besoin de moi. Donne mes consonnes pour mes saloperies de voyelles. Et si le rap c'est tendance, lève ton string pucelle. Je suis de l'école des tordus, des morts du tantan. Mic branché, je suis de l'école des macros d'argent. Oh, j'ai déjà rappé pour pas trop d'argent. Mais entre toi et moi je peux faire pour beaucoup d'argent. Peace out. Yeah. Cozy, cozy, bang, bang, c'était match. Yeah. Fais du bruit pour c'était match, yeah. L'album arrive. Ouais, t'as reconnu la pureté, cozy, bang, bang. Ouais, t'as reconnu la dureté. Ça va péter quand je kick, j'enlève le cran de sûreté. T'avais déjà kiffé avant d'appuyer sur play. Négro, on arrive lourd sur vous. Capital et ses alentours, je te jure. Ah, poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula, fais du bruit pour c'était match, s'il vous plaît. Bang, bang, bang. Allez, précolore album, cozy, cozy, bang, bang. Sympa. Yeah, yeah. Ouais, t'as reconnu la pureté, cozy bang bang, bang bang. Ouais, t'as reconnu la dureté, ça va péter quand je kick, j'enlève le cran de sûreté. T'avais déjà kiffé avant d'appuyer sur play. Négro, on arrive lourd, feu sûr, toute la capitale et ses alentours, j'te jure. Cette année, on rentre dans la grande cour, posé dans ma grande tour, j'vais les rendre fous en 12 mesures. Nous, c'est que du one shot, pas besoin d'un tas de pistes. Punchline pimenté pour que ça arrache plus. Raconte pas ta vie, fais tourner loin, j'affactise. Qui vivra verra mon négro, nique sa mère le bac plus. On dit grave depuis les étiches, étudie le disque. On t'apprendra comment faire des tubes et des bifs. Parlons peu, parlons bien, parlons des budgets. Des clips, faut qu'on devienne rentable qu'en industrie des putes et du shit. Le 1er le 15 juin, le rap français en avait bien besoin. Mon négro précommande cette shit, faut qu'on atteigne le nombre à 7 chiffres. Ouais, le 1er et le 15 juin, le rap français en avait bien besoin. Mon négro, vas-y, achète-le. C'est moins cher et plus baissant qu'à s'achète beuh. Comment vous montrer que je suis le meilleur sans vous parler de mon bras d'enfant? Toujours un temps d'avance comme le carry, oui. Mais je fais du rap en France. Dans le futur, je suis ton foutu seigneur. Je prépare l'otage, je prépare la rançon. Cette équipe veut des buts, veut faire plein de hits. J'suis pelé, le meilleur avançant. Ouais, j'prends des épaules, pas des épaulettes. Ouais, j'écoute pas de rap français pour être honnête. Ouais, y'a que mon crew que j'suis censé connaître. Négro, j'ai les crocs et qu'une parole. J'vais tenir mes promesses, pas comme Nina. Dis-moi, tu veux du flow, du groove dans tes synapses. Cozy, bang, bang, fais danser tout le village. Notre prochain album est déjà dans le sillage. Cozy, cozy, bang, bang, bang. Hey yo ma gueule, ils sont chauds. C'était trentenaire, trentenaire. J'en ai marre de ces bolors de la sable de merde. Trou de boulette sur mon cos là, boy. Je respire le rap, tu n'en as que l'air. Surpris par la foule à tous nos concerts. Frappé par la foudre depuis collège. Ouais, depuis OI, je fais des tracks illicites. Je vois même crier des meufs devant nos posters. Cozy bang bang pour toi, joli cœur. Premier disque, dispo, j'ai ton disqueur. Ouais, harcèle ton fournisseur. Grosse énergie, bail d'apothicaire. Vas-y, remue ton boule, petite tasse. Tu veux des dédicaces, dès la première note tu fais des folies. Tu veux des selfies, tu veux des dédicaces. Trop de flow, tellement que tu vas m'accuser d'harcèlement. Je ne suis que joie et bonne humeur. Alors vous ferez la fête le jour de mon enterrement. Tu me vois loin devant, torse bombé, je cours fièrement. Tu me parles de vitesse, tu me parles de vie de rêve. Je crois que je suis en plein dedans. Vas-y, bang bang ma gueule. Big flow, vous dites only big flow. Toujours Don Joe, poteau. Faites du bruit pour monsieur Don Joe. Yeah. FF, une grosse pensée pour Pon de la FF. Une grosse pensée pour Pon de la FF. Écoute, rien de neuf, rien de clinquant. Gun dans les tympans. Je déglingue et fringant. Cingle les jeunes délinquants. Inquiet les cinq sens. Cherche le billet de 500. Les petits prenaient des 5 francs. Maintenant ils prennent des 5 ans. Pendant qu'on parle d'un temps qui ne pourra pas renaître. Comme un printemps, je regarde passer les putes à la fenêtre en trinquant. Et j'ai crié jusqu'à ce que je m'endorme. Ma mémoire ou une boîte de Pandore, moi. J'ai déçu leurs attentes. Paraît que c'est trop tard, c'est mort. Ferme ton queue quand chante. Que les petites garces m'ignorent. Moi je ris quand je me plante. On dirait que je suis garci mort. Mais c'est plus pareil depuis que ma bande a mis la clé sous la porte. Mon clan a baisé le score. Ouais, mais ça fait long time. Porté disparu, putain de barbu dans la montagne. On gagne ou on meurt. On se marre et on pleure. Les ressasser les rancœurs du passé, c'est 0€ de l'heure. J'ai rien contre le succès. Thanks to the Almighty. N'essaie pas de me sucer. Menace to society. J'ai pas fait ça pour la gloire. J'ai fait ça pour le biscuit. J'ai fait ça pour pouvoir me lever tous les jours à midi. Et je flippe que ça soit fini. Je traîne seul le soir sous liqueur. Ça parle mal sur Twitter. Préviens-moi sur mon beeper. Il m'a tellement donné. Je peux pas haïr ce jeu. L'ancien volcan. Ils veulent voir rejaillir le feu. Don Joe. Ça vient du sud, mon pote. Don Joe. Ça vient du sud, mon pote. Don Joe. Ça vient du sud, mon pote. Billy Bats. Yeah. Faites du bruit pour monsieur Billy Bats. Oh, oh. Yeah. Yeah. Yeah. Billy. Cheer. Hey yo, roule en grosse barre, négro. Yeah. Mon number one pothead est dans le spot. Oh. Oh, ça fait, je veux une Lars à Pippen. Oh, jouer pour le Barça, vivre une vie de pacha, faire même score que Jackson Thriller. Ma vie est tournée vers ça, puis vice versa, je vise la couronne de Versailles. Médus sur le torse, porte du Versace. Camouflage vert kaki. Oh. Nouvelle chance qu'il a offerte à qui. J'irai provoquer la banque, je pâte tes verres gratuits. Pacifiste dans l'âme mais j'ai le verbe actif. C'est quand les miens font dans l'arme que je me serre la vis. Navigue sur des mers arides attendant que le best arrive. Pour le reste c'est le même tarif. Oh. Je suis l'opposé du maire de la ville. Fumée d'herbe en pleine narine. Kiffe jusqu'à en perdre la vie. Oh. J'ai versé trop de sang sur feuilles blanches. Aujourd'hui je tombe chaque neurone pour que mon œuf flambe. Fortifie mes fondations, faut que les leurs tremblent. Que leurs armes soient dirigées sur leur propre temple. Oh. J'emmerde leur culte, j'ai mon propre temple. Quand tu tires, le recul a trop d'importance. Oh. Je croise que des MC impotents. Faux, comme croire de croiser les choses en votant. Tu me croiseras, joint au bec en sifflotant. Le futur t'appartient seulement si tu prends le volant. Donc mes cagoules, mets les gants. Je me sens mieux quand les billets se mélangent. Je vais pas tirer sur les gens, mais je suis attiré par les grands de ce monde. Qui me poussent à prier pour que mes plans se montent. La tête appuyée sur les planches du sol. On est venu en piste, négro, range ton clock. En plus, ça roule des spliffs toutes les 30 secondes. Billy. Monsieur Billy Bat, du bruit pour lui, s'il vous plaît. C'était Billy Bat, motherfucker. Yeah. Faites un maximum de bruit. Pour l'homme venu de 7. Ah. Monsieur Demi P. Ah. Big Flo. Demi-portion. Mon pote, ça vient du sud encore. Le 1er juin. Freestyle. 5 bêches. Yeah, yeah. 1. Demi-portion, tape un petit passe-passe. Sur la touche, même vise la surface, le fait des surprises. Big up pour rester sur pause, une vie d'aloca. Cherche l'occasion, à part d'audace, à part des bêtises. On a passé l'âge, on s'en fiche, un jour tout s'efface. Oui c'est lâché, tu veux voir ton visage. Oui c'est facile de parler trop mal, non c'est rapide de faire des dommages. Atterri, tandis que décollage, pas de coloriage. Me colle pas de billage, rien à l'amiable, la matière que je lâche. Me sers de ma bouche, comme une arme, où je me couche. Toi tu te caches, centre de menace, tu t'oublies grave. Oui je vis ça, loin des strass, pourquoi tu stresses. Faut que tu saches, manque pas d'adresse à chaque message. Oui les mots blessent, mais qui est sage. Aider le monde, un coup de chlasse, rentrer dans le moule. Ça faut pas, tout est fragile. Y'a tout qui se casse, qui fait la tête et qui s'écrase. Sortie de 7, lion de l'Atlas, pas de compète, j'ai pas le temps pour ça. La grosse tête gâche la face, et oui ça m'agace, c'est pas trop ma tasse. Pendant que tu parles, épouser le taf. Big Flo et Oli, freestyle. Dadou, est-ce qu'il est chaud pour un deuxième tour, le Dad? All day, nigga. Yeah. Oh, oh, oh. La cour des grands. Yeah. Premier juin, mon pote. Oh. Dédicace à mon crew, le classique. Hein. Classique. Beaucoup de bruit pour Big Flo et Oli. Aïe! Le sud le fait mieux. Le sud le fait mieux. Le sud le fait mieux. Le sud le fait mieux. Cette pige de silence et le rap est blessé. Il est passé de nique ta mère à Mathilde saignée. Paraît qu'il ne mange plus de porc et se gaffe de billets. Pour une Bentley en or, ça fait se mettre à prix. Je ne suis pas le meilleur des oursons au pays du rap game. Moi je rapporte un frisson. Eux ils font du rap name. What's my name? Des double O dans le rap game. Clint Eastwood mon nickname. Tu gobes mon flow, tu deviens dingue. Je dis bang bang, bang bang. Molécules je les décompose. Je n'aime pas quand le mic schlingue. MC que tes Nike repose. Weed bleu dans le gros bang. Mon cœur vogue à Penny Lane. Wicked, liquid, licks. Mon flow qui tape tout ton abdomen. Si je n'ai pas pris le mic depuis où vous êtes, c'est que vous êtes là. Un paquet de 6, un paquet pour 6, des couches et du Z là. Weed bleu qui te guette là. Rap français qui me jet là. Weed bleu qui me jette là. Rap français, on est quitte dans de look kick comme une calache. Dans un pays de impasse. Kangamoussa armé de hache et d'une équipe sans attache. J'fuck tout ce business, c'est de l'amour au kilogramme. Manager dans le monogramme et l'espoir miroite comme un hologramme. Quand j'ai Dadou, vous dites classique, classique. Quand j'dis Dadou, vous dites classique, classique. Peace. Les MC des beats, des phrases débiles se prennent pour les rois des beats, mais des échecs défilent. Pourtant ils font partie des hits et font le tour des villes. Voici venu Oli et Biggie te fait pas de bille. La jeunesse ne connaît plus le respect. Ils rêvent que de caisses, de liasses et de taspés. Ils aiment le sexe sous tous ses aspects. On les engraisse, Mado et tous ses abcès. Ces jours carcérales, maman ne pleure plus même si ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Contrôle parental, si tu mets pas du cul, tu sais c'est pas rentable. C'est pas rentable, c'est lamentable. Mais c'est l'industrie du chiffre aujourd'hui. Tu vends plus aucun dit. Tu veux vivre par le fils, tu veux pas prendre de risque. Alors tu sors une connerie. En plus, ça se vend par milliers. Musique décevante, humiliée. Ils veulent que tu banques, veulent que tu danses, tu flanches. Ils veulent nous faire plier. On va pas les prier, nous on les casse. Leur tour de passe-passe, leur cache-cache, face à face. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, on va leur casser le dos. Oh! Pour plus qu'ils fassent les beaux. Télévision politique, petit train à que téléphone. Mais des culines dans des clips, pendant que l'État nous assomme. Et des tonnes de codes, l'école déconne. Les bonnes sont qu'on est devant le rouleau, vous la coup de poing. Biggie, Biggie, Biggie Flow. Aïe aïe aïe. Yeah. Sounds do it better. Envoyez. Attends, c'est la mienne, celle-là, poteau. Don't you? Le sud le fait mieux. Oh oh oh, j'ai envie de vous aider. Jeune padawan, vieux pédé. Je vous découpe à coups d'épée. Vous et vos putes toutes pétées. Les fous c'est plus que c'était. Tout le monde me demande où t'étais. Même si tu parles pas, tout se sait. Et même si tu parles, tout se paie. Tout se paie, cash ou à crédit. Come on, biatch, are you ready? Are you ready? De la douleur, je prédis. Pas de douceur, je t'ai dit. Moi c'est Kruger, Freddy. Rocco aussi, Freddy, Freddy. Et tout d'un coup ton poussi, frémi, frémi. Je suis la nouvelle épidémie, Demi. You know I'm no good comme Amy, Amy, Amy. Rest in peace, me, c'est mes White House. François de Wood, je suis dans la White House. Ou dans la White House, ou dans la White House. Suce mon cigare ou bye bye pétasse. Aïe, des fois massacrer ça fait mal au cœur. Aïe, mais tu l'as mérité, motherfucker, die. Et tu dois nous quitter, motherfucker, die, motherfucker, die, motherfucker. Dominique et je te baise, moi c'est Philippe et je baise, tiens. Dominique et je te baise, moi c'est Philippe et je baise. C'est Philippe et je baise, Philippe, Philippe et je baise, tiens. Philippe et je baise, tiens. Y'a pas de hasard, tout est logique. Je suis un barbare technologique. Je frappe à coup de marteau dans ton crâne et je soigne tous tes problèmes psychologiques. C'est pas la peine d'appeler la police, non. À peine arrivé, ils périssent. Les grillons, les crames, on les brûle dans les flammes comme les dragons de Daenerys. Je vois des flashs, j'en entends qui rouspètent. Nique la calage, j'ai sorti la doucette. J'arrive plus bordélique qu'un bol, j'ai vu Kouzbek. C'est pas Michael, mais ils vont crier Kouzbek. Amanatès, manadette. À coup de rafale dans la tête. Cache à rafale, il se cache, il cavale. Je crache, ils avalent, ils avalent, ils avalent dans le conduit nasal. Ma cam artisanale, ton style est la mal. Lyrique, Serge, c'est banal. Nanani, nanana, mais y'a Gianada, plus près que c'est que la NASA. Tira, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ah, ah. Pour mes srabs, pour mes homies. D'ailleurs. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pour mes srabs, pour mes homies. Pour les singes et les barges et les jolies. L'ambiance elle est calme, elle est cosy. Oui, dans ma tête, dans mes rêves, dans mes folies. T'as voulu réveiller l'eau qui dort. Dis-moi alors quand est-ce qu'on s'isole. J'ai des pensées insensées, nos corps qui se collent. Surtout n'écris pas, y'a mes potes qui dorment. Les jours se lèvent, j'ôte ton bout de lèvres. Je flippe, je redoute, mais ta coupe se lève. Je le vis dans ma tête et je goûte tes lèvres. Je remercie Dieu vers la voûte céleste. Cosy, cosy, bang, bang. J'vis d'amour et d'eau tiède. Fuck ta parano, je n'ai plus peur des triangles isocèles. What up? Big flow, only big flow, only big flow, only big flow, only big flow. Yo, l'album, l'album il s'appelle La Tour des Grands. Il sort le 1er juin. Il est déjà dispo en précommande. Allez le précommander, les gars. Ça nous aide vachement, les gars. Ça fait plaisir. Oh. Merci à vous tous à l'instant pour le live dans Planète Rap. On va finir quoi? Il y avait... Comment s'appelle l'album? La Cour des Grands. Comment s'appelle l'album? La Cour des Grands. Et il sort quand l'album? Le 1er juin. Mais il sort quand l'album? Le 1er juin. Est-ce que tu vas le choper? Ouais. Est-ce que tu vas le choper? Même frère. Ouais. Si tu le télécharges, t'es un bâtard. Et si tu le télécharges, t'es un bâtard. Le sud le fait mieux, mon pote. Broum. Le sud le fait mieux avec ce soir Dado, Don Choa. Il y avait cet match demi-portion au micro. Il y avait Billy Bats au micro. C'était match. On s'en a tout dit. C'était match. Leur album Cozy Bang Bang est en précommande. Ça sort le 15. Demi-portion. L'album Dragon Rush est sorti déjà.

comme d'hab, c'est extrait de l'album qui arrive le 1er juin. Big Flo et Oli, nos invités. Ça fait du bien cette semaine avec vous, en tout cas, les gars. Merci à vous pour cette soirée. Encore une grosse soirée. Demain, je crois que ça va se durcir un peu, il me semble. Demain, alors voilà, je trouve que Oli. Parce que là, on était bien. Je trouve qu'Oli se la pète un peu trop depuis le début de la semaine là, du Planet Rap, je tiens à le dire. Donc, il ton petit frère. Hein, voilà, il a oublié que c'était le petit frère. Ouais, mais en fait, comme ça se voit pas quand les gens se rencontrent en vrai. Donc voilà, ce que je propose, c'est que demain, on fait un clash Big Flo contre Oli. Voilà. Okay. Il y aura, on va créer une hashtag Team Big Flo, hashtag Team Oli, ça sera demain. Ah ouais, on va voir. C'est les auditeurs qui départageront. C'est ça, exactement. Il y aura peut-être un invité spécial qui va venir faire le jury. Peut-être, peut-être. En tout cas, je vais te défoncer, Oli. Je vote blanc. Ok, ben maman, prépare-toi à accueillir un fils en pleurs, pas moi, le deuxième. Et je c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Je tiens aussi à dire que ce freestyle ce soir, il manquait un MC qui est décédé il y a pas si longtemps. Il s'appelait DF, aka le Mr. Chill. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Et ben on a une pensée pour ses proches. Yes. Un gros big up en tout cas. Ça en fait Un gros big up en tout cas à tous les MC Toulousains, à toute la maigritude, à Nono de Harmonie Brisée. Je passe les big up comme à l'ancienne. Ouais. Ça fait plaisir. Voilà, gros big up à tous ceux qui supportent dans le sud. Et ben merci à vous tous pour cette belle soirée en tout cas dans Planète Rap. On fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ton kit d'album de rap français et de rap R&B US. À toi de choisir. Avec Aurélie de Liévin qui vient faire tourner la roulette. Salut Aurélie. Salut tout le monde. Ça va bien Aurélie? Très bien. J'ai entendu ce Planète Rap incroyable avec Big Flo et Oli. Oui. Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va ? Oui, je suis prête. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, la roulette qui tourne et va s'arrêter. Ah ouais, énervé Oli. Énervé. T'es plutôt quoi, son français, son US ? Je vais prendre le US. Eh ben US, le kit rap R&B. Et pourtant, on t'envoie ça avec notamment l'album 50 nuances de gris à l'intérieur. Il y a du Nicki Minaj et plein d'autres. C'est pour toi Aurélie. Super, je peux faire une dédicace? Vas-y. Je vais faire une dédicace à mon chéri, à ma famille, à mes copines, tous ceux qui me reconnaîtront. Je fais des gros bisous à tout le monde. Voilà. Bah, bisous Aurélie, merci à toi. La bise. Passé dans Planète Rap. Merci à Big Flo Oli. Merci. Donc demain, ça se durcit 20-21. Demain, c'est le clash. Big Flo contre Oli. Il faudra continuer à utiliser le hashtag Big Flo Oli sur Skyrock, qui était aussi entêté aujourd'hui. Monsieur Geek, toujours présent avec nous. Oui, c'est moi. En tout cas, on est super contents. On donne rendez-vous à tout le monde demain. On est encore plus demain, chaud. Loupez pas un petit peu avant 20h. C'est ça. Et n'oubliez pas de précommander l'album. Bon Fred, bon match quand même. Bon courage. Pour l'instant, 0-0, maman. Tu confirmes? 0-0 pour l'instant. Je peux faire une dernière dédicace? Vas-y, Dado. Oui. Pour la NASA et pour DJ Logilo. Merci à vous tous d'être passés dans ce Planète Rap. Et on va pouvoir suivre le match chez Diffoul et toute l'équipe aussi. Eh ouais. Et j'entends que tout le monde est prêt maintenant. On est déjà devant. Salut Fred. Ça va? Salut Big Flo. Salut Oli. Salut. Et salut. Romano, demain on amène la trompette. Hein. Ah, demain, demain la trompette. Okay. C'est une grosse soirée demain. Donc, j'ai tweeté, je l'ai pris en photo, tu vas voir, je suis chaud. Ah oui, j'ai vu la photo de la trompette. Ça tombe bien parce qu'on se posait la question, mais est-ce qu'on va trouver une trompette? Eh ben c'est parfait. Mais on l'amène. J'ai tout ce qu'il faut, mon pote. Mais Romano, il a pas une trompette, le mec? Bah, il va te dire Cédric, mais. Ça va être mal pris, ça va clasher. Ça commence déjà. C'est la bite à Cédric, la trompette de Romano. Oui, et ben bon courage à Romano. Et d'ailleurs, vous soufflerez dedans, bon courage à vous. C'est lequel des deux qui joue de la trompette, les deux? C'est moi, c'est Oli, le petit frère. C'est Oli, le petit frère. Très bien. On se voit demain. Demain soir, on vous retrouve avec nous dans l'émission. Puis on vous retrouve déjà entre 20h et 21h pour le grand clash Big Flo contre Oli. Yes, c'est ça. Flo. Ça va être chaud. Je suis le spécialiste de la présentation des clashs, moi. Ouais, qui sera le meilleur? D'ailleurs, Romano est pour qui? Big Flo et Oli. Alors, Romano, il n'est pas encore arrivé. Bah non. Mais je lui dis Cédric, donc on peut pas vous dire tout de suite. Ok, il nous dira. Il s'échappe déjà. Ça, ou alors il a recherché une tremble. On va lui dire qu'on en a une. Très bien, merci à tous les deux en tout cas. À demain. J'allais le dire, demain 20h, 21h. On vous retrouve en direct sur Skyrock, Biff et Oli, c'est leur semaine. Et ça vient de Toulouse. Ouais, le sud le fait mieux. Exact. Et le sud le fait mieux. Bien parlé ça, Philo. Ah, les sudistes. Ouais, pour faire plaisir, ça a mis 2 secondes. Bien parlé, gros. Bon, et le match Barça 0, PSG 0, 9 minutes de jeu. On suit ça en direct sur Skyrock tout au long de la soirée. On vous tient au courant. Et dans 90 minutes, 1-4-2 et qualification de Paris. Ouais, c'est ça, tu rêves. Merci Fredo. Ciao, à demain. Salut, ciao. À demain tout le monde. Ciao. Ciao. Radio Libre, c'est parti. En direct au 01 53 40 30 20. Dès maintenant, tout le monde est là. Je vois que Samy a pris la place de Romano qui va arriver. Bah ouais, il va arriver. Cédric arrive aussi. Les autres sont déjà au téléphone avec vous, donc vous pouvez profiter. Hein. 01 53 40 30 20. Vous nous appelez. C'est parti jusqu'à minuit. Radio Libre en direct. Le 41 759, l'appli Skyrock. Allez-y aussi, vous nous faites péter les messages sur le skyrock.fm. C'est pareil. Bon, j'ai tout dit pour nous joindre. Allez-y donc, faites péter, nous on fait péter. Ah ben, le son qu'on entend derrière moi là, c'est OT Genesis, I'm in love with the Coco pour démarrer la soirée sur Sky tout de suite. Tous les matins.